L'oiseau, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'oiseau. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, c'est vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Se faire avoir. Oui, non, honte. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Et là, c'est bien fait pour moi. Je viens de me faire attraper avec un vinyle. Ça arrive. Ouais. Bon, puisqu'on a démarré avec le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Des Beatles. Extrait de l'album du même nom. Je dois pas faire ça. Deux fois l'effort quand même. Album qui sortait, figurez-vous, le 1er juin 1967. Et donc on approche tout doucement, mais sûrement, par exemple autour de jeudi, au fait que cet album va fêter ses 50 ans. Qu'on va probablement parler à ses justes titres dans toutes les émissions, toutes les radios du monde. Parce que il y a des chances. Parce que ce disque est un petit peu une pierre angulaire comme ça. dans le monde de la pop musique. C'est ça. Voilà. Il y a plein de choses dans ce disque-là. Et puis nous, pour une fois, une fois n'est pas coutume, on n'est pas en retard, on est même en avance pour en causer, vu qu'on démarre avec ça. Et alors, ce qui suivait, évidemment, donc c'est bien du vinyle, vous avez entendu, ça craquait, ça c'est bien. Oui. Mais ça ne figure évidemment pas sur l'album Sgt. General Club's Band en vinyle 67 que je n'ai pas en ma possession. Mais on a un Beatles 67-70. Mm-hmm. Souvenez-vous, c'était des doubles albums, compilations comme ça. Ils avaient fait un rouge, période avant 67, comme ça, où ils font des trucs un petit peu plus rockabilly, tout ça. Mm-hmm. Et puis, probablement dans la compilation la plus intéressante, qui plus est en vinyle, parce que ça donne un cachet, c'est cette fameuse compilation Blue, 67-70, où on retrouve évidemment des choses assez incroyables, comme Penny Lane, par exemple, mm-hmm. qui est quand même un bon morceau. Octopus Garden, Here Comes the Sun, Back to USSR, Don't Let Me Down, enfin bref, le double blanc, Revolver et Sgt. Pepper, qui sont, à mon avis, les trois bons disques à avoir. Les Beatles, les autres, vous n'êtes pas obligés, mais ces trois-là, c'est bien. Oui. Avec quand même, pour ma pomme, une préférence pour le double blanc. Quand même. Voilà. Bon programme ce soir. Album de la semaine. Après cette petite entrée beatlesque. Oui, qui n'a rien à voir avec les Beatles, d'ailleurs. L'album c'est vrai de la semaine. Ça n'a rien à voir. Rien. On est très loin de là. Mais ils ont peut-être écouté les Beatles. Je pense pas. De loin. Très loin. Bon, d'accord. La review de Kranko. Le fil rouge. Ouais, d'ailleurs, ça sera le fil rouge et la review de Kranko. À mon avis, c'est ça. Ouais. Bon, le petit vinyle qui craque, vous l'avez eu maintenant. Ouais. Et donc, on s'arrêtera sur du blues. Ah. Bien rare. Hein. Juste avant 9h, on va faire un petit peu de blues comme ça. Tant mieux. Bon, écoute. Et Books on the Radio. Ouais, et puis il y a une archive du dimanche. Bah oui, forcément. Qui concerne un lundi. Si. D'accord. Bah écoute, faut pouvoir. Si tu teasing, veux. Quel teasing. En avance. Quel teasing de fou. Et là, les gens, ils ont quand même déjà été voir sur tous les canards. Sur Facebook, là, tous les canards, ils ont déjà vu un peu tout le bazar. Mm-hmm. Mais c'est juste pour faire du teasing pour ceux qui n'ont pas été voir sur Facebook. Et c'est bien. Pourquoi on parle de lundi, d'ailleurs. Peut-être. Allez. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine. Mm-hmm. Et on va partir sur un album hip-hop. Yo. Hardcore. Yo. Hey. Un peu des deux. Avec des baguilles. C'est ça. Enfin, quoi qu'il porte pas beaucoup de baguilles sur scène. Mm-hmm. Bon. Avec le groupe Aurore. Ah. Ah bah oui. Ah. Premier album, United States of Aurore. Porte bien son nom. Oui, forcément. Aurore qui est un duo. Aurore qui s'écrit H-O-9-9-O-9. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour préciser. On dit aussi Aurore Death Cult. Oui, forcément. Duo fondé par D.O.G.M. Mm-hmm. Et Eddie. Ouais. Là, ils nous viennent de New York, dans le New Jersey. Mm-hmm. New York, je sais pas comment ça se dit. Ouais, New York, ouais. New York. C'est dans le comté du New Jersey, absolument. C'est ça. Et c'est comme pas loin de New York, d'ailleurs. C'est juste à côté, je pense. Voilà. Des états voisins. Ils sont partis maintenant à Los Angeles. Ah. Voilà. Richesse, le succès. Ou pas. Voilà. Ils se sont rencontrés forcément dans le New Jersey. Mmh. Alors comment ils se sont mis ensemble? Voilà, juste comme ça. Parce qu'ils habitaient dans le même quartier et que là-bas, à part le hip-hop, il se passait pas grand-chose. Bah, heureusement, ils avaient déjà le hip-hop, quoi. C'est toujours ça. Ils faisaient partie en fait d'un même collectif artistique, mmh. qui s'appelait le Angie Street Clan, voilà, ou aussi connu le Jersey Clan. Mm-hmm. Et donc ils vont former le groupe en 2012, oui. Influencé par DMX en partie, ouais. Et Bone Thugs-N Harmony. Voilà, et plus tard, bien sûr, ils vont partir dans les trucs un peu plus punkesques. Mm-hmm. Voilà, et notamment influencés par les films d'horreur de Monsieur Rob Zombie et White Zombie. Ah ouais, c'est encore des kids en fait, quand même. Ah bah oui. Ils sont pas si vieux que ça. Ils sont pas si vieux que ça, j'ai pas leur date de naissance exacte, je ne pense pas, non. Genre dans les années 90, quoi. Ouais, je pense, hein, à mon avis. Quelque part par là. Bon. Oui, voilà. Hein? Allez, premier extrait pour cet album. Oui. The United States of Horror. Horror, on va écouter War is Hell. Probablement un des albums de l'année, si pas l'album de l'année. C'est possible. War is Hell, extrait de l'album de la semaine, United States of Horror. Ah bah dis-moi. Par Horror. Ça tabasse. Ça commence bien. Ouais. Ça tabasse. Bien. Horror qui sortira en 2014 un premier hippie. Mm-hmm. Qui s'appellera Mutant Freaks. Si. Voilà. Et en 2015, Horrors of 1999, qui sera un peu un fer de lance à ce moment-là, et surtout leur performance live. Oui, forcément, à ne pas rater. On retrouve notamment dans un épisode d'une série. Ah ouais ? Voilà, ouais. Une petite dédicace à Aurore et leur performance live. Bah oui, ça s'appelle Lasco, le Wisconsin Daily. Je ne connais pas du tout cette série, mais apparemment, en tout cas, on voit une partie d'un concert de Dee Aurore dedans. Pourquoi pas ? Et Aurore va également collaborer avec le Museum of Contemporary Art de Los Angeles, quand même, et proposer une performance live en vidéo. Ah, ils ont des idées. Hein. Ils ont beaucoup d'idées. Alors, leur parcours est un peu compliqué, vu que dans leur quartier, c'était très hip-hop. Et à partir du moment où ils ont ramené un peu de punk hardcore dedans... Et un t-shirt Black Flag. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a quand même. Hein. Le en père Rollins, il peut dormir tranquille. Il n'y a pas de souci. Et forcément, leur pote, on va dire ça comme ça, du quartier... Ça a été un peu difficile vu que voilà, rock et hip-hop, ça se mélange pas forcément très bien dans certains quartiers. Le racisme n'est pas toujours du même côté. Et non, mais finalement, ce qu'ils disent, c'est que une fois qu'on ramène quelque chose de nouveau, les gens s'y habituent et finalement, ça a pris. Ouais. Puis c'est un groupe, parler des lives tout à l'heure, c'est un groupe vraiment intense et intéressant. Live, je pense que nous avons eu la bonne idée de les voir au bon moment. Ouais, je pense aussi. Dans une petite salle de Courtrai à Dekreun, évidemment, où donc des bonnes conditions et une proximité, etc. Je pense que maintenant ça devient un peu plus gros. Et donc. Ouais, mais je pense qu'ils vont qu'ils favorisent quand même des petites salles et des petites scènes. Ils aiment bien être proches des gens, ma petite voilà, dame. Voilà, c'est ça. Voilà, on reste nous, on est responsables des gens. Ce qu'ils disent souvent, c'est que quand on aime bien un groupe sur scène et quand on va le voir en concert, on s'attend quand même à vibrer, comme ils disent, et c'est ce qu'ils essayent de donner. Fort bien. Ouais. Allez, United States of Aurore, qui est un peu une lutte contre tous les dérives des États-Unis. Voilà, donc le racisme, le trop plein d'argent, etc., etc. La tape dans le dos pour passer devant pour la photo, la poignée de main un peu volontaire, genre je te domine et tout. C'est ça, voilà. Un peu anti-Trump, voilà, on va le dire tout de suite. Même si je pense que c'était déjà écrit avant. Ouais, mais évidemment. Trump, mais ça se recoupe assez fortement. Allez, deuxième extrait pour cet album United States of Aurore. On va écouter Knuckle Up. Rage. You pay for my best, my boss face first. I'm on the class for, I'm on the fuck you pay me fast for. I'm on the aim first, ask questions last. Motherfuckers can't duck the blast, duck the beast, duck the streets, bloody sheets, cut your feet, so your soul can't walk the streets. Dead niggas can't make the mess, cut your hands, money fall out your ass. Take your shit. Allez, on va essayer de pas se revoir avec ces vinyles. Aujourd'hui, ils ont envie de jouer. Groupe qui sortait son ultime et dernier album en ce début février 2017. On n'a pas trop l'occasion d'en parler forcément, puisque déjà mars-avril, personne. Donc, Mais on va en parler pas mal, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année, voire même au moment du fameux top chez Céline du moment. Ça sort chez Rejuvenation Records, les Américains de Hawks, basés à Minneapolis, voilà. Qui ont décidé d'en rester là, pour plein de bonnes raisons, je suppose, et c'est très bien. Qui sortent un album qui s'appelle No Cash Value, on écoutait Dust Up. C'est un moment assez magique entre les décharges cinglantes de Unsane et les moments de folie à la Jesus Lizard. C'est un parfait combiné sur cet opus. Et pour une manière de fermer la porte et de dire au revoir, bah, franchement, c'est un fameux au revoir. Grand disque comme ça, et ça sort, je disais donc, chez Rejuvenation Records, No Cash Value, Hawks. Bien, bien. Du vinyle, ça craque. C'est toujours bien. Fais tourner. Allez, fil rouge, on continue avec David Bowie. David. Il reste plus que 3 albums. Quoi? Avant la fin de ce fil rouge. Quoi? Mais on va faire quoi après? Oh, surprise. Surprise, surprise. Surprise. Nous sommes en 2001. En octobre s'ouvre le concert pour New York City. Oui. Juste après les attentats du 11 septembre. Oui, oui. Où David Bowie fera partie forcément des artistes avec Simon & Garfunkel. Dont il reprendra America. Ouais. Voilà. Et avant de chanter forcément Heroes. Bah. Ça me paraît logique. C'était attendu. S'en suivra le Eden Tour. Ouais. Donc de son album de 2001. Eden. C'est ça, presque. Et en 2003 sort l'album Reality. Ouais. Voilà. Et A Reality Tour. Il se prend pas la tête. Non. Et durant cette tournée, il recevra en Norvège, à Oslo exactement, une sucette dans l'œil, jetée par un fan. Ouais, si. Avant qu'en Allemagne, il ressente une douleur dans l'épaule, jusqu'à ce qu'on se rende compte en fait que c'est une artère qui est bouchée. Ouais. Donc d'une crise cardiaque. Oui, il se fera opérer à ce moment-là à Hambourg, en Allemagne. Donc sa tournée s'arrêtera là. Il va disparaître un petit peu de la circulation, alarmant déjà tous les réseaux possibles et inimaginables, en me disant « Mais bon oui, ça fait 10 ans qu'il est mort. » Ben non, puisque... Ouais. Bon. Voilà. C'est un peu ça. Oui, un peu, quand même. Et c'est à ce moment-là qu'il se convertira au bouddhisme. Et qu'il soutiendra la cause tibétaine. Oui. Voilà, après ces grands vides plus ou moins, et mais quand même quelques morceaux sur des films, notamment, dont Shrek 2. Ouais, gagner sa vie comme il pouvait, je pense, après. Ou alors il n'était pas au courant. Si, parce que c'était sa chanson Changes qui reprenait en duo avec Butterfly et Boucher. Ah ouais, bah allez, il s'est fait plaisir peut-être. Peut-être, à mon avis c'est le cas. Pourquoi pas. Allez, extrait de cet album Reality, on va écouter Pablo Picasso. Thank you. to work on the street, girls could not resist me stare. So back up the castle, is there a golden asshole? Not like you. Wow! La revue des musiques bruyantes et agitées en partenariat avec Korenko. Si. Et toujours l'ami Lémi derrière. Bah, ça vous manque un peu quand même, Lémi, je trouve, tout d'un coup. Bon, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose de la semaine dernière dans les nouvelles, mais on va quand même faire un petit break pour parler de quelques news et de quelques moments que vous pourriez peut-être retrouver si vous êtes amateur de musiques bruyantes et agitées, ce que je ne doute pas. Vu le nombre d'émissions qui pullulent sur cette antenne, qui passent des musiques bruyantes et agitées. C'est sûr. C'est complètement dingue. Ouais. Rien que le dimanche déjà, c'est une infection. Il me semble. Plus le lundi. Ouais. Plus, enfin voilà. Donc, plus le jeudi soir. Ouais. Jeudi après-midi. Ouais, donc ça n'arrête plus jamais. Ouais. Il faut que ça cesse. Allez, on va parler du Interceptor Festival qui va se dérouler. On a le temps de voir venir ce mois d'octobre prochain. 5 et 6 octobre 2017, donc le Interceptor Festival qui va se dérouler à Bordeaux. Il y a quelques noms qui sont déjà annoncés, bien évidemment, hein, mais qui restent quand même dans les mouvances, en tout cas du hard rock, du hardcore, etc. On parle de Sicko Vitale notamment, voilà. Mm-hmm. Y aurait des choses genre Megadeth, etc., qui vont traîner là-bas, donc à vous de voir, quoi. Interceptor. Ça sera pour le mois d'octobre, en tout cas, ça se met en place, évidemment. Code Orange qui a sorti un nouvel album, et il y a un clip qui s'appelle Bleeding the Blur, à voir aussi. One Life All In, qui va sortir un nouvel EP. Il y a des membres de Benicted et de Spun Monster qui sont là derrière. On parlait de hardcore, ben voilà, on va les rechercher un petit peu dans les bases. Clip est bien foutu, bon, le morceau n'apporte rien, évidemment. Le EP s'appelle The A7 Session. Si vous aimez bien le genre, vous allez évidemment être comblé. Ne vous inquiétez pas. Et Les mis s'énervent. Allez, des sorties aussi, Execration, qui est un groupe de death metal qui vient de Norvège, qui va sortir un album. Il y aura 9 titres. Il y a un premier extrait qui s'appelle Return to the Void, qui est en écoute pour Execration. Ça sort en CD Digipack et en vinyle, voire vinyle noir, voire vinyle collector. Dans les petites nouvelles un peu décalées, on parle de Johnny Lang. Si vous vous souvenez, c'était un bluesman un peu en vogue, Rocky Belgueule, comme ça, début des années 90, qui va ressortir un album. Ça va s'appeler Signs et ça sortira le 25 août prochain. C'est rigolo. Et dans le même genre, Kenny Wayne Shepard, toujours rayon blues rock, qui va sortir un nouvel album qui s'appelle Late on Dawn. Ça sortira le 21 juillet prochain. On apprend aussi cette semaine que les frères Cavalera sont en studio pour un nouvel opus. Uh-huh. Si, ça continue, évidemment. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Dans les autres news, Lacuna Coil va revenir avec un nouvel album. Hein. Ça se précise un petit peu. Et puis, qui balance évidemment, comme souvent dans ce cas-là, des vidéos. Mm-hmm. Et que dire encore dans les news à retenir, plus grand-chose. Sinon que les Belges de Lecce vont sortir un album qui va comporter 14 titres. Et Rayon Rock Sudiste, on en parlera tout à l'heure. Il y a Greg Allman des Allman Brother Band qui est décédé l'année dernière à l'âge de 69 ans. Idle Wild Souls et tout ça, fin 60, début 70. On en parlera un petit bout juste avant 9h. D'accord. L'album choisi, on va s'arrêter chez Spoken de Nijan Spy. Nijan Spy, comme son nom l'indique, ne sont pas des Japonais, mais des Canadiens basés à Montréal. C'est un genre de fusion, groove, un petit peu no metal dans les coins, mais sans le côté prétentieux du terme, donc c'est plutôt sympa, ça joue très très bien. C'est une autoproduction en plus, donc c'est encore mieux d'en parler. C'est un trio, mais apparemment ils sont quand même plusieurs à faire ces choses-là. Ninja Spy, l'album Spoken en autoprod. On va écouter Speak. Et avant d'écouter Speak, on va s'arrêter sur le fait que vous allez retrouver Korenko en radio et à la radio. À ce qui paraît. Puisque la grille d'RQC s'ouvre depuis milieu de la semaine passée. Donc il y a des petites nouveautés qui tombent dans vos programmes. Et m'a-t-on dit, il y a Korenko qui trouve sa place le lundi soir après Rive d'Enfer, donc à 22h. De 22 à 23, il y a Korenko en radio. Voilà, vous allez pouvoir entendre la voix de PG, qui est le patron, le boss de Korenko, qui va passer. Alors, ce sera tous les lundis. Il y a une émission par mois, donc forcément, il y a de la rediff. Et ça sera tous les lundis, sauf le premier lundi du mois. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Voilà, dans d'autres aventures. En tout cas, Korenko, le lundi soir. Voilà, et c'est l'émission d'avril que vous allez entendre à partir de demain soir. Cool. Petite chose, hein. Ben oui. Et ce soir après nous, par exemple, il y a 23h, 23 minuit, il y a Rock à la Casbah, suivi de 2h de British Connection, de minuit à 2h, si jamais vous êtes un petit peu à son note, qu'il y a 3h d'émission rock. Bien, hein. C'est bien. Allez. C'est bien. Ninja Spy, Spoken, c'est l'album, Speak, c'est le titre. C'est bien sympa quand même, hein. Si. One time. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, RQC. We'll be right back. Le petit morceau groovy du soir. Mass Production avec Groove Me. Allez. C'était sorti en 1978. Bien, sympa, hein. Ah oui. Ah ouais, non. Franchement, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça groove. Allez, la mini-archive du dimanche. Mais bon, c'est pas vraiment une mini-archive. C'est parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Greg Allman qui nous a quittés ce 27 mai. Donc c'était hier, évidemment. C'est un musicien qui est assez important quand même dans le monde de la musique. Et donc on va s'arrêter quelques minutes à son sujet. Voilà. D'accord. Grégory Lenoir Allman, plus connu sous le nom de Greg Allman. Gamin qui vient de Daytona en Floride, au soleil comme ça. C'est bien. Et qui va fonder avec son frangin, Duane, un groupe qui va s'appeler les Allman Brothers. Et si vous êtes un peu amateur de films américains, dans les années 80, 90 ou quoi que ce soit, il y a des morceaux d'Allman Brothers tout le temps. C'est vrai. Voilà. Mais c'est aussi un groupe qui s'est fait connaître bien avant ça, notamment dans les années 70 et en 1970, avec un album assez incroyable qui s'appelle Idlewild South, qui met en avant une certaine idée du rock'n'roll façon sudiste, hein, comme Lynyrd Skynyrd. Là, on est un peu dans ce genre-là, donc avec un blues assez polissé. Oui, voilà. Un peu folk sur les bords. Un peu folk sur les bords, c'est vrai. C'est pas gras, c'est pas agressif, c'est quand même c'est pas non plus propre et gentillé, hein, parce qu'il dénonce quand même des choses. Et puis on est fin du mouvement hippie, donc un petit peu les désillusions, et donc ils mettent un peu ça dans leurs paroles en avant. Il y aura évidemment le premier album qui sort en 69, qui est vraiment intéressant aussi, qui s'appelle tout simplement Allman Brothers Band. Et nous, pour ce soir, on va s'arrêter sur le Idlewild South. Ils vont sortir des albums jusque 2011 avec un album qui s'appelle Low Country Blues, quand même. Et lui, il va faire pas mal de disques solo, Greg Allman, à côté des Allman Brothers. À partir de 1973, voilà, il va faire 5-6 disques par décennie, ce qui est quand même un bon ratio. Voilà. Et on va le retrouver dans un film, ça j'apprends ça en lisant maintenant, hein. Il va jouer en 89 dans un film qui s'appelle Rush Week, et en 91 dans un autre film qui s'appelle Rush. Ça me dit quelque chose, ce film, avec notamment Jennifer Jason Leigh et Sam Elliott dans les rôles principaux. Voilà, un petit peu de cinéma ce garçon. Allez, The Allman Brothers Band, Midnight Rider, sur l'album Idlewild South. Si vous fallait un album des Allman Brothers, ça serait celui-là, évidemment. Down. tu sais, de la radio à gogo. Allez, un petit morceau New Wave avant Books on the Radio. Dit Agnès Circle. Mon Dieu. Duo de Londres. Il sortait en 2015 un premier EP. Oui, c'est un premier EP qui s'appelle Modern ID. Voilà, et on écoutait Cermix. Tout à fait inconnu. Bah oui. Mais bien. Mais bien. Mais voilà. Comme ça, tu connais maintenant. Allez. Ben oui. Bon. Ils ont sorti un album cette année. Ah, voilà pourquoi on en parle. Voilà. À suivre. Ah, ça sera un album à suivre Maybe, peut-être. Je ne sais pas encore, on verra. Fais comme tu veux. One line. Paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio avec un thriller fantastique. Mm-hmm. Un thriller de Sir Cédric, qui est un auteur français. Ouais. Qui a quand même un certain succès, en tout cas, auprès des fans de thriller et polar. Et on est avec son troisième roman, L'Enfant des Cimetières. Oui. commence bien. Alors, l'histoire, c'est un fossoyeur qui va être pris d'un coup de folie, qui va tuer toute sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, avec une carabine, avant de se suicider. Ah, parce que j'allais dire, sinon, il sait quoi faire avec. Non, il s'est suicidé. Bon, facile, facile. Facile, facile. Il s'est suicidé. David, qui est photographe, journaliste, et Aurore, qui est journaliste dans un quotidien du coin, vont se rendre en fait sur place pour couvrir l'événement. Et David va prendre des photos de la scène de crime. Voilà, donc jusque-là... ça va. Tout va bien. Puis le lendemain, c'est la compagne de David, Kristen, qui est en fait peintre, voilà, qui se rend dans un hôpital pour enfants pour leur apprendre à peindre et à dessiner. Voilà. Donc souvent les visites artistiques un peu dans les hôpitaux pour enfants et pédagogiques. Voilà, tout à fait. Et elle va se faire tuer en fait. Dans cet hôpital, par le neveu du fossoyeur. On reste en famille. On reste en famille. Et sur les lieux, on va retrouver donc François, qui est le neveu du fossoyeur, et deux de ses amis, qui en fait sont pris d'une folie. Aussi. Tous. Bon. Et qui croient en fait voir des ombres les suivre. D'accord. Et donc, on va retrouver le commandant Vauvert qui va se mettre sur l'affaire. Parce qu'en fait, on va lui raconter un truc un peu bizarre, qui est un peu une légende urbaine de la région. C'est que un enfant errait dans le cimetière avec un enfant qui est tout nu, avec la peau très très blanche et des cheveux longs blancs. Un adolescent, plutôt, d'une quinzaine d'années. On va vite comprendre en fait que cet enfant s'appelle Nathaniel, qui est un enfant qui a été martyrisé par ses parents adoptifs, donc qui a été violé, frappé par son père adoptif, et qui a en fait, à l'âge de 12 ans, tué ses parents adoptifs. D'accord. D'une manière un peu barbare. D'accord. Voilà. Quel programme. C'est tout un programme. C'est assez... c'est très, très fantastique. Ouais. Clairement, d'un côté, oui, ça nage entre le fantastique et un peu plus le réel. Ouais. Parce qu'on s'imagine mal quand même un gosse de 12 ans... errer comme ça dans les cimetières. C'est ça, voilà. C'est un peu bizarre. Et donc, David va essayer de venger sa compagne. Et il va être emmené dans toute l'histoire et par ce fameux enfant des cimetières. Ouais. Et le commandant Vauvert, qui est quand même flic, ouais. Qui est censé avoir les pieds sur terre et se dire c'est des foutaises en fait, tout ce qu'on me raconte. Il va commencer à y croire. Voilà. Bon. Ses croyances sont un peu ébranlées, on va dire ça comme ça. Et alors on ne sait pas au final si c'est vrai ou pas vrai cet enfant. Enfin, au final, ah oui, à la fin, si. Au final, on oui, sait. Oui, tu sais, forcément. Bon. Mais c'est toute une histoire un peu... Bon, récit fantastique, donc. Ouais, on sent c'est un thriller fantastique. On sent tout de suite qu'on rentre dans le fantastique. Oui. Ou ça démarre comme une enquête Ça démarre comme une enquête, vu que... déjà, on se dit, pourquoi... c'est un fossoyeur qui a tué toute sa famille, c'est suicidé après. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'enquête. Et à bout de quelques pages, c'est à partir du moment où on entre dans l'hôpital, en fait. D'accord. Qu'on se rend compte que c'est quand même assez fantastique, finalement. Bon. Sœur Cédric, c'est le nom de l'auteur. Oui. C'est le troisième bouquin, ça sort en poche, évidemment. Oui. Le style, un petit peu, de Sœur Cédric, là. C'est très... Il y a un côté Stephen King. Forcément, enfin, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu difficile de passer à côté quand on sort ce genre de bouquin. Ouais, ouais. Mais il y a un côté très auteur de thriller. Ah ouais. Voilà, pour l'intrigue. Et donc, dans les autres bouquins, il décrit plutôt thriller ou plus toujours fantastique ? Alors, il y a un bouquin qui est sorti, son dernier bouquin n'est pas du tout fantastique, voilà. Donc là, c'est un vrai thriller. Sinon, les autres bouquins sont plutôt thriller fantastique. Bon, il n'y a pas décidé de choisir. Non, non, je pense pas. Et vous pouvez le retrouver dans beaucoup de salons de polar. Je pense qu'il fait pratiquement tous les salons du polar qui existent. Il fait sa place. En France, en tout cas. Il fait son trou. Ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde, en tout cas, du thriller. Bon. Et par les gens qui lisent des thrillers. Parce que thriller fantastique, c'était plutôt en vogue, ouais, comme tu dis, les années 80. Après, quand même un petit peu... on est parti plus dans le polar noir, quoi. C'est ça, encore maintenant d'ailleurs, et ouais. Je suis étonnée de lire encore des commentaires favorables à ce genre de thriller. Et d'un certain engouement, on va dire. Et ouais, un très très gros engouement d'ailleurs, parce que je connais, enfin voilà, pour ceux qui s'intéressent, voilà, aller sur un forum sur Facebook qui s'appelle Mort du Thriller. Ouais. Voilà, vous verrez qu'on parle de Sir Cédric tout le temps, et je pense avoir vu peut-être 3 commentaires négatifs sur... je ne sais plus combien de personnes inscrites là-dessus, enfin énormément de milliers de personnes inscrites sur ce forum. Bon. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Sœur Cédric s'en sort en pocket, voilà, ouais. Format poche. L'enfant des cimetières, c'est le 3e book. Hein. On est dans registre plutôt thriller fantastique. C'est ça. Voilà. Allez, poursuivre les régionaux de l'étape. Adolina, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Drake Hunter. On n'a pas eu encore l'occasion non plus de beaucoup en parler. Everything You Know Is Wrong, extrait de Drake Hunter, ça sort chez Un Temps Rêvé de Roi, Adolina. Drugs were first banned in the United States and Britain, and we then imposed that on the rest of the world. It's a century since we made this really fateful decision to take addicts and punish them and make them suffer because we believed that would deter them and give them an incentive to stop. Almost everything we think we know about addiction is wrong. And if we start to absorb the new evidence, I think we're going to have to change a lot more than our drug policy. Let's read from Alexander Spencer. The idea of addiction we've all got in our head comes partly from a series of experiments that we've done earlier in the 20th century. You get a rat and you put it in a cage, and you give it 2 water bottles. One is just water, and the other is water laced with either heroin or cocaine. If you do that, the rat will almost always prefer the drug water, and almost always kill itself quite quickly. So there you go, right? That's how we think it works. Rat in an empty cage. It's got nothing to do with stepping into these drugs. So let's try something different. So Professor Alexander built a cage called Rat Park, which is basically a right? They've got loads of cheese, they've got loads of coloured balls, they've got loads of tunnels. Crucially, they've got loads of friends, they can have loads of sex. And they've got both the water bottles, the normal water and the drug water. It is a fascinating thing. The rat park, they don't like the drug water. They almost never use it. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. You go from almost 100% overdose when they're isolated to 0% overdose when they have happened in the world. What if addiction isn't about your chemical hooks? What if addiction is about your cage? Suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec le groupe américain Aurore. Miam, miam, miam, miam. Et leur album dit United States of Aurore. Si vous voulez les voir en live, cette année, pour l'instant, c'est surtout une tournée des festivals européens. Oui. Forcément. Et ils seront donc au Puckle Pop. Allez, même pas à Dour. Même pas à Dour le 19 août. J'étais à Dour l'année passée, je pense. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Donc au Puckle Pop cette année, 19 août. Donc à Kiwit. Près d'un Celt. C'est ça, dans le Limbourg. C'est un peu loin. Ça fait une petite trotte. Voilà, sinon, passage en France forcément et aux Pays-Bas pour nos voisins si vous êtes par là. Ça dépend où vous êtes le plus près. C'est ça. C'est ça. Pas loupé quand même, Aurore sur scène. Hein. C'est une expérience. Ouais, à mon avis, il y aura peut-être une tournée un peu plus. Club. Club par la suite, vu qu'ils sortent leur album quand même juste avant les festivals. Donc, Ouais, mais ça, à mon avis, tu vois, c'est juste parce qu'on est fan et donc forcément. Voilà, on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais peut-être que ça va pas du tout se passer comme ça. Voilà. On sait pas. Ouais, je me dis. enfin, je sais pas. On espère en tout cas. On verra. On les a déjà vus, donc. C'est ça. Voilà. Donc, à voir absolument en live si vous aimez peut-être. Pas leur musique sur, sur disque, mais quand même, allez les voir, parce que franchement, c'est très très impressionnant. C'est très impressionnant, absolument. Allez, dernier extrait pour ce United States of Aurore, on va écouter le morceau Hydraulix. Fight at the function 5,000 bucking crash all night. I was smoking.

Strange Love, Depeche Mode, qui ouvre cette plage, l'archive du dimanche, consacrée à un album qui sort en 1987, qui s'appelle Music for the Masses. Album qui va donc fêter, mais ouais, vous l'avez deviné, ses 30 ans, bien évidemment. Depeche Mode, groupe rock britannique, qui est originaire de Basildon, une petite cité. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est un groupe de personnes qui vont se rencontrer autour de l'amour des synthés de Kraftwerk et de David Bowie, ouais. Qui sont les deux influences principales pour le groupe. Alors ils vont aller un petit peu loin que Kraftwerk dans l'expérimentation, quoique Some Great Reward et des singles comme People Are People, ça a son pesant d'indus même, hein. On va même dire ça. Mais c'est évidemment dans cette synth pop où ils sont très très forts et qui aura fait leur succès, qui fait toujours leur succès, bien évidemment. C'est un groupe très très établi, très important aussi. Pas si souvent copié que ça, finalement. Non. Parce que je pense qu'ils ont un truc assez unique et notamment un chanteur assez charismatique qui s'appelle Dave Gahan. Qui est un bonhomme qui tient la boutique à lui tout seul, même si c'est pas lui qui écrit les morceaux, si c'est pas lui qui compose, et qui est là pour prendre le micro. Bon, c'est un peu réducteur, mais c'est quand même ce qu'il fait dans le groupe. La tête pensante, c'est un certain Martin Gore, qui est un personnage assez emblématique, en tout cas, assez marqué dans son temps, dans sa période. Hein. Ça sent les années 80 plein nez. Le groupe se forme en 1979 et dès 80, ça va être l'explosion, voilà. Hein, ça va aller grandissant. On va avoir des singles assez sympathiques comme Just Can't Get Enough, par exemple. On peut l'oublier, celui-là. Voire même Tora. C'est ce que je dis, on peut les oublier. Des choses comme ça. Mais à côté de ça, évidemment, on rentre de plein pied dans le succès et surtout dans le sérieux. Alors, il y a un chouette album qui s'appelle, en 85, qui s'appelle Construction Time Again. Mm-hmm. Et puis, il y a ce Music for the Masses qui déboule le 28 septembre 1987, précédé de ce single qu'on vient juste d'entendre qui s'appelle Strange Love, qui sortait en mai 1987. Bon, voilà. On est vraiment en plein dans... Ça tombe bien. Dans la commémoration, j'ai envie de dire. C'est le premier album du groupe qui va bénéficier d'une sortie en CD simultanément à une sortie en vinyle. Mm-hmm. Donc à l'époque, c'est quelque chose d'assez... Voilà. Et évidemment, le CD va se vendre comme des petits pains. Parce que tout de suite, ça va être un gros vendeur. Ouais, ouais. Parce que c'est Depeche Mode. Parce que, évidemment, il y a cette pochette... Cette forme rouge, écarlate sur fond bleu, qui marque bien les esprits, qui va accompagner l'imagerie du groupe pendant bien longtemps. Ça a quand même un sens. Ça va précéder évidemment l'album 101, qui est un album live qui va sortir en 1989 et qui va être une révélation totale. Et Il faudrait compter le nombre de foyers qui ont l'album 101 chez eux ou qui l'ont eu. C'est assez impressionnant. Music for the Masses. Ça part un peu dans tous les sens. Et pourtant, c'est un album qui est très, très cohérent, qui est très construit. Il y a une reprise d'un classique du rock qui s'appelle Route 66, écrit en 1946 par Robert Trop, qui va être revisité évidemment façon Dépêche Mode. Il y a un classique, la Moonlight Sonata de Beethoven, qui va être détourné par Alan Wilder sur deux morceaux, donc on est dans le registre de la musique classique. Il y a évidemment Dave Grohl qui prend la place un peu partout. Il y a quand même deux morceaux instrumentaux, Agent Orange et Pimp. Ouais. Et puis il y a les chœurs qui sont bien plus présents sur ce disque que sur les autres albums. Les chœurs toujours assurés par Martin Gore évidemment. Donc c'est parfois des passages à deux voix. C'est assez marquant et assez impressionnant. Le gros morceau, évidemment, c'est Never Let Me Down Again. Bah oui. Voilà. Qui est un morceau qui sortira aussi en 45 tours et qui va un petit peu tout pulvériser tous les records. Album qui va se classer rapidement dans les charts. Hein, et, ça va être 10e dans les charts britanniques. Ça va être en 35e position aux États-Unis. Ça va être numéro 7 en France, numéro 4 en Suède, numéro 2 en Suisse, en Allemagne et en Belgique, bien évidemment, puisqu'on n'est jamais loin derrière. C'est un groupe qui a pas mal de popularité, même encore maintenant, évidemment, en Belgique. Et puis l'album va être masterisé et va être ressorti alors, sous plein de formats différents, accompagné des sessions Dolby Digital, des versions stéréo et tout ça. Ça va sortir en 2006. Ça n'a évidemment que très peu d'intérêt. Ouais. C'est un petit peu pour faire des sous. C'est ça. Mais des sous qui font du bien à leur label. Leur label, c'est Mute, un label qui... ils sont fidèles à leur label. Hein. C'est le même label depuis le départ. Ils n'ont pas changé. Pareil pour la Belgique, la distribution, c'est toujours Pias qui s'en occupe. Ils n'ont pas changé non plus. Voilà des gens avec quand même des convictions. Et en même temps, je pense que comme ils sont bien établis, ils ne doivent pas trop se tracasser de là où ils sortent et où ils sont. Un album de Dépêche Mode sera toujours bien accueilli. Album, on parle d'album de Dépêche Mode. Il y a un album qui sort, bien évidemment. Ben oui. Qui s'appelle... ça, je ne vais pas le retrouver tout de suite. Merci pour mes notes. qui s'appelle Spirit. Voilà, ouais. C'est sorti le 17 mars 2017 et précédé d'un single qui s'appelle Where's the Revolution, qui était sorti en février dernier. Oui. Qui a du sens, voilà, qui est pas la chose la plus renversante que j'ai écoutée dans le Dépêche Mode, mais voilà, c'est bien. Et puis Dépêche Mode est occupé de défendre son album sur scène et pas plus tard que demain. Ils seront au stade Pierre Mauroy à Lille, enfin Villeneuve d'Ascq pour être précis. Voilà, avec le groupe The Horrors. C'est ça. En première partie. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc, si vous allez voir Dépêche Mode demain à Villeneuve d'Ascq, peut-être que vous allez voir les canards. Il y a des chances. Il y a des chances. Si vous savez qui on est. Voilà. Bah, ça va être, c'est grand, hein. Il y a beaucoup de monde. Donc, Il y aura beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de monde et c'est très grand. Remplissent un stade. Ben voilà. Music for the Masses, 1987, c'était l'archive de ce dimanche. Et on va se quitter avec probablement le morceau le moins exploité de l'album et que je trouve très intéressant dans sa construction, voilà, et dans sa dynamique. To Have and To Hold, Dépêche Mode. C'est parti. We'll be right back. Get me up, you ask me, please, please, mom, could you give me 30 bucks? So you could go out and score, and I gave it to you so I could get some sleep, and you ran off into the streets so fast like a little crack whore. Came back, I told you I was planning a couple of days in Orlando. You bounced up and down in the bed like a little yo-yo. Please, mom, I've always wanted to go to Disney World. I said, sure. The next morning, we went to the airport. You saw me play my show down there at the Sapphire. And we met a fan there who, of all things, played a Disney character. He was nice enough to arrange free passes. And your smile was so bright. And some people we met at the venue took us Disney World. We went to Splash Mountain. I still have a photo of us on the ride. We both looked so happy and carefree, you know. Later that day we were walking and you dropped your purse and you squatted down in your leopard skin skirt to pick up all your hypodermic needles. I helped you with it. Everyone looked at us like we were both pure evil. On the way back we heard 10 cc's, I'm not in love. You got real close to me at the same time. We both said, I love this song. And you fell asleep on my shoulder as we rode along in the back seat, content and peaceful as a sleeping phone. And the girl was driving, was looking at me in the rear view like, what's up, why the hell did you bring that crazy girl with you? I looked at her like, mind your own goddamn business. Fuck you, junkies are allowed to enjoy Disney World too. Oh, Disney World, a place for moms and dads and little boys and little girls. A place for everyone to have fun, as far as I'm concerned. Someday I gotta go back to Orlando and make some time for Disney World. Oh, I never dreamed that you'd ever, ever, ever, ever even turn 30. You're dead and illegal and you had his baby. He started robbing stores and he went to prison. Down in Mexico City and all these years later, you're living not far away. And I'm almost 49 and on the same day, you're gonna be 42. And you know something, I still have a lot of love. I still have a lot of love for you. I still have a lot of love for you. Oh, I still have a lot of love for you. I still have so much love for you. Oh, I still have a lot of love for you. Oh, I have so much love. Have a few drinks and you still smoke a little weed, but you're off the junk and you work for an outreach program helping kids on the street. And though we only see each other maybe once or twice a year, when I see you, your smile always manages to fill my heart with cheer. And when I see you, I never dare bring up that young girl who dropped the needles all over the pavement at Disney World. Oh, Disney World. Oh, Disney World. Oh, Disney World. Oh, Disney World. Allez, une petite nouveauté. Oui, vas-y, tu peux le faire. Oh. Nouveau. Ah, voilà. Jesu and Sun Kim Moon. Mm-hmm. Ah oui. Ah ben oui. Oula. Oula, oui. Jesu qui est un groupe britannique et Sun Kim Moon qui est un homme seul. Des Gold voilà. Flèches, quoi, Jesu. Justin Broderick. C'est ça. Pour ceux qui cherchent. Voilà. Sun Kim Moon, auteur-compositeur américain. Mm-hmm. Ils viennent de sortir un album 30 Seconds to the Decline of Planet Earth. Ouais. Ça a l'air très solide. Hein. Ça a l'air très solide. Le premier morceau qui est sorti de cet album, c'est Needles Disney. Mm-hmm. Voilà. Qui est un petit épiné à notre beau monde Disney, ceux qui y vivent dedans. Voilà. Et on retrouve sur cet album notamment les membres de Low, par exemple Rachel Goswell de Slow Drive, Isaac Brock des Modest Mouse ou encore Steve Shelley de Sonic Youth. Bah, que du beau monde. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Bon, faudra approfondir ça. Faudra approfondir tout ça. Eh ben. Allez, et poursuivre. Et c'est drôle parce que poursuivre, ben, ils sont un petit peu dans. dans cette mouvance, enfin, pas toujours musicalement, mais en tout cas dans les influences. Des gens qui traînent un petit peu du côté de chez Mogwai, encore Silverman Zion, voilà, ou encore Jésus, justement. Les Français de Robot Orchestra qui reviennent avec un nouvel album. Un groupe qui fête ses 10 ans cette année, qui a vu le jour à La Rochelle, qui a eu des périodes un petit peu différentes, soit sous forme de trio, soit sous forme de duo, qui s'est tenté, qui s'est essayé à l'expérimentation, qui a essayé d'être dans du copycat Mogwai, qui a essayé de traîner avec My Own Private Alaska, enfin ce genre de choses, mais qui retombe toujours sur ses pattes. Oui. Avec une certaine aisance quand même. Le nouvel opus s'appelle Birth. C'est un disque assez solide. Alors on parle pas beaucoup de ce disque. Non. Et pourtant c'est quand même un disque qui vaut le coup évidemment. C'était enregistré par Amaury Sauvé à la Paris Studio, voilà, en mars 2016. Ça sera un an plus tard. Et puis ça a été retravaillé par un certain Magnus Lindberg. Magnus Lindberg, c'est un compositeur qui nous vient d'Islande. Oui. Et qui travaille plutôt avec des groupes philharmoniques, avec des ensembles, genre le London Philharmonic Orchestra et ce genre de choses, qui fait des résidences et puis qui va à Paris. Et donc, ben voilà, à mon avis, la rencontre s'est faite comme ça pour les membres de Robot Orchestra. Ça donne évidemment une autre dimension tout de suite. Album Burns, extrait de cet album, on va écouter Damage Generation, Robot Orchestra. We'll be right back. Robot Orchestra avec Damned Generation sur l'album Birth. Bien, bien. Bien, bien, hein. Bien, bien. Ah ouais, bien, bien. Franchement, bien, bien. Allez, nouveauté, encore. Je suis occupé de faire mon petit top à gauche, à droite, là. On va déjà passer l'été, hein. On verra. Bah, au cas où je passe pas l'été. N'importe quoi. Nouveau. Allez, nouveau. Pas pour le groupe, forcément, puisqu'on va parler de Mogwai. On en parlait juste avant, ça tombe bien. Qui sortira un nouvel album. Vie. Il s'appellera Every Country Son. Il y a déjà un extrait, en tout cas, de cet album. On écoute. Et cet extrait, c'est Cool the Rain. Jeu de mots. Tout à fait. Nouveau. Thank you. Le petit dernier Mogwai, Wolverine, extrait de leur prochain album, Every Country Son. Valeur sûre. Quand même. On ne s'en lassera jamais. Non, mais c'est ça, il n'y a plus de surprise. Non. Bon. Mais bon, ça reste du Mogwai. C'est dit, c'est d'Abli, ça reste... Ouais, c'est... Bah, effectivement, c'est du Mogwai, quoi. On les reconnaît. Mais ouais, ça en parlait de Dépêche Mode, bah voilà. C'est vrai. Même jour. Tout à fait. Ils sont dans leur truc et puis voilà, quoi. C'est ça. Et ça marche à chaque fois. Et ça marche toujours, absolument. Allez, on est déjà au morceau de Décroche. Mm-hmm. On est en 1968. Eh ben. Ouais. Sort un album Shades of Deep Purple. Ah. Bah oui. Bien. Deep Purple reprend le morceau Hush. Hush, Hush. C'est ça. Et vous avez bien eu du Deep Purple, hein. Ouais, après, vous en avez de la chance après la semaine passée. L'archive et tout. Allez, c'est parti. Ah, ça fait son petit bonheur hein, quand même. Ah quand même, il fait beau, un peu de bonne humeur. Voilà, et c'est vraiment très très très bien joué. Ouais, Deep Purple avec Hush. Ouais, franchement. C'était bien. C'était très très bien. Allez, quoi que vous fassiez, faites bien sortir couvert, soyez prudents et à la semaine prochaine. Bonsoir. You think they're cuddly, but I think they're sinister. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Think of them waddling about in the dark. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Sneering and whispering and stealing your cars, reading pornography, smoking.